Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif, bien sûr. And now we're all getting higher. adventures, in grand new adventures, expect to fly. I'm deep into sonic changes and radical strangeness, and I don't know why. Après les Flower Kings, Dawn. just feel so confused, trying to find a way, thinking of my wandering life. Deep in my heart, I just want to breathe, to feel something, to feel. We'll be right back. Ah, que c'est bien, j'ai véritablement adoré le deuxième opus des Suisses de Dawn, D-A-W-N, comme l'aube. Deuxième opus intitulé Darker, c'est vraiment superbe, tout de ce même tonneau suivant, l'expression consacrée. On s'est régalé également, les 150 personnes plus quelques invités. Allez, on a tourné à 200 personnes. On s'est régalé jeudi devant le concert des Flower Kings qui suivait celui de Carmakanic en trio acoustique. Superbe concert malgré un Ron Stolt qui n'avait pas une grande forme, en tout cas sur le plan vocal, puisqu'au niveau guitare, il assure le bougre. On s'est régalé, ça a été vraiment 2 heures de haute volée avec des reprises des anciens morceaux sur 20 ans d'âge déjà, des Flower Kings, et également, aux surprises, deux covers de très haute volée, Echoes de Pink Floyd et Cinema Show de Genesis. Et là, ça a été le grand panard, comme disait mon ami Jeff. Flower Kings, donc, qui était dans nos murs. On continue encore dans la belle ouvrage avec Anglagard. Anglagard, vous savez, ce groupe crimsonien suédois. Ils sont de retour avec un double live intitulé Prog på Svenska Live in Japan. Et vous allez voir, c'est du mélotron à qui mieux, et c'est tant mieux.

soon again. A strange light is shown up beyond the sky. See the moonlight through the mountains, where light is crossing while you're passing. Alex Carpani sur Prog à part, l'émission du rock progressif. Alex Carpani, vous savez, ce français d'origine italienne qui mène une brillante carrière en Italie. C'est lui qui avait fait venir David Jackson, le sax de Vandergraaf Generator. Four Destinies, titre de son nouvel opus. Les Belges de Quantum Fantais sont de retour et leur côté Osric Tentacles est bien sympathique. Tout de suite, je vous propose un extrait. La musique hypnotique de Quantum Fante, un album qui s'intitule Terra Gaia. Ils sont de retour, les vieux compères de Latte Miele, c'est un groupe majeur du rock progressif italien, avec la réenregistrement. J'ai du mal à trouver mes mots tellement que c'est beau, de Passio. Bon, c'est vrai que c'est un opus qui est très religieux, mais au niveau musical, il y a un côté très intéressant puisque c'est un mélange de rock et de musique classique. Donc, l'amateur de musique baroque que je suis y trouve largement son compte. Latte Miele, Passio, tout de suite. Ça vient tout juste de sortir et c'est italien. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: Mangiate questo è il corpo mio, bevete questo è il sangue mio. D'ora in poi non berrò di questo frutto fino al giorno in cui lo berrò con voi. Vi stai separando da me. La tua Allora Gesù disse loro: Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Scandalizzerò, io no, non mi scandalizzerò. Prima che il gallo canti, questa notte mi rinnegherai tre volte. Io no, io no, io non ti rinnegherò, io no, io no. Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: Sedetevi qui mentre io vado là a pregare. Thank you. Salve maestro. Commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Donker ! Sol 100.7. You're listening to Progapa, the progressive program in Lyon. Les fans ont deviné, ils ont reconnu Monsieur Keith Emerson, un album que je ne connaissais pas du tout, un album solo, sorti en 1995 et qui est, ma foi, fort beau. Changing States, les états changeants, les étapes changeantes, situations changeantes, de 1995 et que nos amis d'Ésotérique ont eu l'idée géniale de rééditer. Keith Emerson. On continue dans les nouveautés après cette petite parenthèse réédition avec un groupe bien curieux. On peut dire qu'ils ne font pas dans le progressif classique. Ils sortent des sentiers battus et ce n'est pas pour me déplaire. Je veux parler de Greenwall avec un nouvel opus intitulé, attention, ça va vous faire rire, Zappa, Zippa, Zuppa, Zeppa. C'est italien, comme son nom ne l'indique pas. Ça date de 2014, c'est une nouveauté, comme je le disais tout à l'heure. Et vous allez voir, ça décoiffe. Tout de suite, Greenwall. rubrique concert, nous sommes gâtés dans la région au sens large du terme, sur le quart sud-est, comme on dit pendant les prévisions météo. Le 17 mai, notez bien Cloud Atlas. Cloud Atlas est un jeune groupe psychédélique et prog entre les deux à la Péniche La Marquise à 19h45. Cloud Atlas à la Péniche La Marquise le 17 mai à 19h45. Un tout petit peu plus tard et un peu plus au sud, le Prog Sud. On reviendra dans un mois à mon retour pour l'émission de juin qui aura lieu d'ailleurs, notez-le sur vos tablettes, le 2 juin, lundi 2 juin. Eh bien, lundi 2 juin, je reviendrai avec plein de belles choses, avec notamment, ben oui, ce sera tout frais, puisque le jeudi 29 mai, on aura pu voir Éclat et la, notamment et la Fiesta Prog avec Odessa, donc une fiesta avec des reprises de standards progressifs, ça risque d'être très très chaud. Le vendredi 30 mai, Il Tempio delle Clessidre et Lazuli entre autres, donc ça risque d'être très très bien aussi. Et on termine en apothéose le samedi 31 mai avec RPWL. Les Allemands floydiens, et j'ai vu une DVD de leur dernier concert, c'est à tomber par terre de professionnalisme, et suivi avec un projet qui s'intitule Vox in Progress. Vox in Progress, c'est en fait un combo qui réunit des grands chanteurs de groupes italiens, entre autres Bernardo Lanzetti, ex-PFM, Aldo Tagliapietra de Leorme, ex-Leorme, Lino Vairetti d'Osana. Ça va décoiffer, ça va vraiment être superbe. Donc ça, c'est le samedi 31 mai. Voilà, sur 3 jours, le Prog Sud au Pen Mirabeau, c'est entre Marseille et Aix-en-Provence, à ne pas rater. On va terminer avec les deux dernières nouveautés du mois, avec tout d'abord un duo américain qui s'intitule Spoke of Shadows. Spoke of Shadows, l'album est éponyme, il s'appelle pareil, tout de suite sur Prog à part. Thank you. Spoke of Shadows. On continue avec un duo cette fois-ci allemand, Osta Love, Osta Love, O-S-T-A, et puis Love. Good Morning Dystopia, c'est le titre de leur album, Osta Love. Thank you. Voilà, c'est la fin de cette émission du mois de mai. Vous la retrouverez en podcast, comme d'habitude, sur le site de notre partenaire presse, puisque vous savez que Progapar, c'est la version sonore d'Acid Dragon. Donc, sur aciddragon.eu, suivant l'expression « as soon as possible, ASAP », puisque votre humble serviteur est en congé. Et donc, ce sera vraisemblablement en ligne la semaine prochaine. D'ici là, suivant l'expression consacrée, tenez tati, rendez-vous donc, comme je vous le disais, le 2 juin, c'est un lundi, et ce sera l'émission de retour du Proc Sud. Voilà, c'est l'heure de se quitter avec le générique de Greenslade. C'était Progapar, une émission présentée, proposée, réalisée par Thierry Sportouche avec l'aimable collaboration de Roland Rock. Duration.